Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takathur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Alla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois, vous saurez bientôt. Alla law ta'lamun 'ilma al-yaqin. Sûrement, si vous saviez de science certaine. La tarawunna al-jahim. Vous verrez certes la fournaise. Thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices.